Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1921, un spectacle à succès anime le théâtre des Bouffes parisiens. C'est Dédé, une opérette d'Henri Christinet. Le public y trouve de l'humour, de la joie, de la chanson et pas des moindres. Maurice Chevalier explique que dans la vie, faut pas s'en faire. Partout, les Françaises et les Français reprennent cette rengaine. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Cette chanson de 1921 a-t-elle été fredonnée pour bercer un nourrisson, un bébé de l'année, le petit Edgar ? Une vie riche que celle d'Edgar Morin, né en 1921 donc, riche de rencontres, riche d'idées, riche d'émotions. Il nous en parle dans le cours de l'histoire. C'est un plaisir et un honneur, oui, dans la vie, faut pas s'en faire. Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le cours de l'histoire sur France Culture. Edgar Morin, vous publiez « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». Le titre est magnifique. « Les souvenirs viennent à votre rencontre ». Vous ne les avez pas provoqués ? Non, c'est-à-dire qu'une fois que surgissent tels souvenirs, il va en déclencher d'autres, etc. Donc, si vous voulez, j'obéis beaucoup plus à leur logique propre qu'à une chronologique. Une chronologique. Aujourd'hui avec nous, Pascal Horry, bonjour. Bonjour. Professeur émérite d'histoire à la Sorbonne, vous avez établi, présenté l'édition d'œuvres d'Edgar Morin, ça s'appelle « L'unité d'un homme », donc vous connaissez très bien Edgar Morin. Est-ce qu'on connaît très bien un être humain ? En tous les cas, quand on a, comme moi, de l'affection pour Edgar Morin, c'est une affection que j'ai depuis longtemps et on ne s'était pas rencontrés jusqu'à l'année dernière, parce que cette affection, elle était nette. La lecture de ses livres, c'est le meilleur contact. Bon, je crois le connaître un peu mieux, mais l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui permet d'aller encore plus loin dans la compréhension, non seulement d'une biographie, mais d'une manière de considérer l'homme et le monde. J'ai été touché par l'émotion qui émane de cet ouvrage, l'émotion, parce que peut-être plus que des souvenirs, parfois, ce sont des émotions. Ces émotions, parfois, passent par des chansons. Mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté. N'attendons plus, partons vers elle, l'air pur est bon pour la santé. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut suivre sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on vit heureux selon ses voeux. À nous la liberté, un film de René Clair en 1931, musique Georges Auric, Edgar Morin. Vous adhérez à cette devise, quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux. On fait peut-être pas tout ce que l'on veut, mais on est heureux. Et vous savez, pour moi, c'est un film très important parce que je dévorais les films dès l'âge de 10 ans, puisque orphelin de mère et fils unique, j'avais comme refuge le cinéma et la lecture, et que pour moi c'est un des films, j'avais 11-12 ans, qui m'a beaucoup impressionné, et je continue à chanter cette chanson, « À nous la liberté ». De ce film qui m'a beaucoup impressionné. C'est vrai que pendant que nous écoutions l'extrait, je voyais vos lèvres qui remuaient, vous étiez en train de fredonner. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur cette émotion que provoque la chanson, c'est qu'ici nous sommes dans une forme de joie et une réflexion sur la liberté, parce que la liberté c'est aussi un choix, et vos choix ont été très tôt ceux de l'engagement, de la lutte, et notamment en lien avec ce qui se passe en Espagne, avec la guerre civile en Espagne. C'est vrai que là, vous avez fait le choix, mais c'est aussi une forme de liberté, d'agir du côté des Républicains. Oui, tout à fait. Je me souviens que mon premier acte politique, c'est d'aller à la Solidarité internationale antifasciste, qui était un organisme libertaire, pour participer à faire des colis pour l'Espagne républicaine. Et j'ai été doublement ému par la tragédie de la guerre d'Espagne, parce que c'était pas seulement le franquisme avec tout ce qui comportait d'oppression et de dictature contre le clan républicain, c'est qu'il y avait une guerre d'une autre nature, mais terrible, à l'intérieur du camp républicain, où il y a eu la répression de la révolte spontanée des paysans de Catalogne ou d'Aragon qui croyaient naïvement que le monde avait changé et qui brûlaient leurs billets de banque dans les églises où par ailleurs ils avaient pendu les prêtres. Il y avait cette sorte de poussée libertaire très profonde en Catalogne, etc. Et tout ce mouvement, y compris le PUM, qui était un mouvement gauchiste, etc., ont été sauvagement réprimés. Et aussi, je vécu la mainmise de plus en plus grande, évidemment, de Moscou sur la guerre d'Espagne, d'autant plus que les alliés occidentaux avaient complètement abandonné le camp républicain. Donc, ça a été une série d'émotions très fortes en fonction des aléas. D'autant plus que je lisais L'Espoir de Malraux, qui lui-même me faisait participer psychiquement à cette guerre, à ces événements extraordinaires comme Teruel, etc. Et pour moi, quand j'ai vu dans le grand journal du soir, en manchette, que la chute de Barcelone, j'ai pleuré, et je crois que c'était pas le seul, d'autres camarades de classe oui, le même sentiment. Pascal Horry. La réponse d'Edgar est très significative parce que, dans un même souffle, il a dit qu'il était bien sûr du côté des républicains et il a ajouté qu'au sein du camp républicain, on pouvait s'entretuer. Et ça, je pense que ça définit, pas au sens restreint, presque mesquin, la position politique d'Edgar à tous les moments, mais sa nécessité pour lui de toujours considérer la complexité et le fait que, par exemple, quand il adhère au Parti communiste, on sent bien à lire que dès qu'il adhère, on va dire oui, et qu'il adhère en pleine résistance, il y a déjà les objections qui arrivent à sa rencontre aussi. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais stalinien, par exemple. Donc, il est communiste, mais dès qu'il sent qu'il va devenir stalinien, ben non, il descend du train. Et ça me paraît, à titre personnel, une des qualités du regard d'Edgar Morin, parce que ça concerne son engagement politique, ça concerne sa façon de concevoir les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire, pas enfermé dans une discipline et pas doctrinaire. Pas doctrinaire, et c'est vrai qu'une lecture très simple de la guerre d'Espagne dit qu'il y a d'un côté les fascistes et de l'autre les républicains. C'est plus complexe, et c'est cette complexité-là qui vous intéresse, Edgar Morin. Pas seulement qui m'intéresse, mais que je ne peux pas éluder. C'est elle qui m'interpelle, si vous voulez. Et effectivement, nous vivions à une époque où se posaient des alternatives impossibles. C'était fascisme ou stalinisme. Et moi, j'essayais avec ceux qui cherchaient la troisième voie, qui étaient quelques rares intellectuels. Il y avait Mounier, la revue Esprit. Il y avait Simone Veil avec quelques autres. Simone Veil, la philosophe. La philosophe. La philosophe, bien entendu, la grande philosophe. Et si vous voulez, la tragédie, c'est que cette troisième voie qui essayait de traiter les maux de la démocratie, de dépasser la démocratie dans une société plus humaine, cette troisième voie était impossible dès que la guerre s'est déclenchée. Et à ce moment-là, après, disons, la résistance de Moscou, je me suis donné les arguments qu'il fallait pour exorciser tout ce que je savais de négatif du communisme stalinien, pour l'interpréter, ses caractères négatifs, par l'encerclement capitaliste ou l'arriération tsariste, et pour penser que le passé devait aller à jamais être révolu et que la victoire allait faire vraiment régner une société, une civilisation fraternelle. Et donc, c'était cette croyance apparemment rationnelle qui m'animait, alors que je ne savais pas que c'était en même temps une foi mystique et religieuse, qui était la religion de l'humanité future. Vous étiez dans le mouvement de l'action, et c'est vrai qu'il y a toujours cet écart entre l'action sur le moment et puis le regard que l'on porte ensuite quand on connaît la fin des événements. Il faut se replonger dans les années 30 pour imaginer combien certains ont pu mettre leur vie en jeu simplement pour changer le monde, et ils y ont cru avec une ferveur intense, ceux qui voulaient monter sur les barricades, las barricadas. Las Barricadas, c'est l'hymne de la CNT, la Confédération Nationale du Travail, un enregistrement de 1937. Edgar Morin. C'est encore mieux, c'est la Varsovienne. Oui. C'est un chant qui est né en Pologne, révolutionnaire à la fin du 19e siècle, que nous appelons en français la Varsovienne, et qui est devenu pendant la guerre d'Espagne à Las Barricadas, et c'est un des chants révolutionnaires que je garde profondément en moi parce que je le trouve bouleversant. C'est un hymne en quelque sorte à l'humanité résistante, à la souffrance humaine qui refuse de durer. C'est très beau, que les paroles françaises sont très belles aussi. C'est intéressant d'écouter ces hymnes qui pourraient paraître datés, qui ont pour certains été un peu oubliés, mais dont l'esprit demeure toujours aussi vif. Vous regrettez peut-être un peu qu'un esprit révolutionnaire ou un esprit de révolte se soit légèrement effacé? Ce serait pas mal qu'il revienne parfois. Bien sûr, parce que si vous voulez, si j'ai perdu beaucoup d'illusions, quelque chose m'est resté de la ferveur. De la ferveur de cette époque, et ce sont ces chants qui traduisent cette ferveur. Les chants qui traduisent la ferveur et les chants qui traduisent également l'émotion. Je me suis posé une question autour de cet intérêt pour l'Espagne. Pour vous, dans votre engagement, en lisant votre livre, Edgar Morin, c'est vrai que j'ai découvert ses racines espagnoles. Cet attachement à l'Espagne, il est très fort au-delà de cet engagement du côté des Républicains. Certainement, parce que dans ma famille, on parlait le vieux castillan, le vieil espagnol, parce que c'était la langue de tous ceux qui avaient été expulsés d'Espagne en 1492, parce qu'ils étaient juifs et avaient refusé la conversion, et qui avaient été accueillis par le sultan de l'Empire ottoman. Et ils avaient, dans différentes villes, notamment à Salonique, fait souche. Et ma famille, qui du reste, une partie venait de la péninsule ibérique, est allée à Amsterdam, est allée à Livourne, tous sont allés à Livourne à un moment donné, et de Livourne sont passés à Salonique au début du 19e siècle, où ils ont adopté et ont retrouvé cette langue espagnole. Or, cette langue, je l'entendais entre mes parents et leurs parents. Ils ne me l'ont jamais parlé à moi, c'était le français, mais une langue présente à mon oreille pendant des années, des années. Et ce qui fait que la première fois que je vais en Espagne, je suis étonné de voir que je comprends pas mal de choses et qu'il suffit de faire quelques modifications. Bien entendu, je faisais quelques erreurs au début parce que ma grand-mère, par exemple, quand elle me faisait un cadeau, un petit gâteau, en me disant « mets ça dans ta poche », ça veut dire « pongues into faldugueras ».« Faldugueras », c'était les poches qu'il y avait dans les faldas, c'est-à-dire les jupes que portaient les hommes dans le temps. Mais quand j'ai dit en Espagne « faldugueras » pour poche, tous les Espagnols rigolaient. Parce qu'ils disent « bolsilla », bien sûr. J'ai fait quelques anachronismes, mais j'ai adoré cette langue, comme l'italien d'ailleurs, et du reste, ça m'a tellement aidé en Amérique latine. Edgar Morin, vous évoquez l'espagnol, cette langue qui vient de vos parents, qui ne vient pas seulement de vos parents, qui peut venir aussi de Raquel Meller. Raquel Meller, une chanteuse espagnole qui chantait El Relicario. Ah. Viviendo perro Relicario, oh, El Relicario, ça sent le faux ami à plein nez. C'est pas tellement le reliquaire, c'est plus le médaillon Edgar Morin. Je me permets de passer cette chanson car vous en parlez dans votre livre sur vos souvenirs. Cette chanson vous ramène à quoi? Vous savez, c'était la chanson préférée de ma mère. Et après sa mort, je l'écoutais sans cesse sur un disque que je répétais sans arrêt. Et donc, c'est une chanson que je porte en moi. Et après, quand je fêtais Noël ou le jour de l'an, avec de très chers amis eux-mêmes d'origine espagnole, mon ami José Vidal Benito, il y avait toujours le moment du Relicario, et le moment d'émotion collective, et pour moi, je dois le dire, de larmes. C'est une chanson que, peut-être pour moi, par tout ce qu'elle représente, qui me bouleverse le plus. Edgar Morin, vous savez, Federico Garcia Lorca a écrit son Llanto. Llanto pour Ignacio Sánchez Mejías. Et dans son Llanto, pour son ami mort, il dit, bien sûr, tu as disparu, il ne reste plus rien de toi, tout le monde t'a oublié, même les fourmis de ta maison t'ont oublié. Pero yo te canto. Moi, je te chante. Et c'est un peu ça aussi ce que vous faites, Edgar Morin, dans votre livre, de tous ces gens que vous avez aimés, qui ne sont plus, vous les chantez. Exactement. J'étais tellement à la fois heureux de les faire revivre en esprit et sur ce papier et en livre, que vraiment j'ai fait ce livre, disons, souvent en riant et parfois la larme à l'œil. Parfois la larme à l'œil, et le lecteur le ressent. En tant que lecteur, nous nous plongeons dans cette vie, la vôtre, Edgar Morin, nous croisons ses émotions et puis tous ces moments très forts. Et c'est vrai que dans cette démarche, dans cette émotion qui, je vous dis, qui touche le lecteur, on s'interroge et on se dit, en tant que chercheur, vous chercheur, normalement, le scientifique rejette l'émotion. Quelle place vous laissez à l'émotion? Je considère qu'elle est importante dans les sciences humaines. Mais vous savez, non seulement dans les sciences humaines, elle est importante, parce qu'il faut avoir pas seulement l'intérêt, mais l'amour pour les populations sur lesquelles on fait des recherches, qu'on essaye de connaître. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit avec, à la fois en essayant d'unir au maximum la rationalité et en même temps la passion. La passion, Pascal Horry. En tant que historien, c'est vrai qu'on réfléchit sur notre objet d'étude, mais l'objet d'étude, c'est du vivant. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et dès lors, il y a de l'émotion. Quel lien vous mettez entre la recherche, l'émotion de tout ce qu'on vient d'entendre d'Edgar Morin? Bon, la première réponse la plus modeste, c'est de dire que désormais, il y a une histoire des passions, des émotions. C'est, comme on dit, à l'agenda de la recherche. Deuxième élément de la réponse, clairement, on parle d'épigénèse maintenant, même les sciences dites dures sont obligées de tenir compte d'un environnement où tout n'est pas déterminé par le physiologique ou par le sociologique, pour ce qui est des sciences humaines et sociales. Et la définition d'Edgar est, sur ce plan-là, impossible à faire, parce que c'est un sociologue en ce sens que quand il entre au CNRS, pour des raisons en partie sentimentales et émotionnelles, d'ailleurs, il suffit de lire le livre, ça paraît un peu obscur ce que je dis, mais lisez le livre, vous comprendrez. Ben, il est rattaché à un labo de sociaux, mais en fait, ce qu'il fait en termes de méthode, c'est plutôt de l'anthropologie. Donc c'est déjà beaucoup plus, en particulier, émotionnel, l'anthropologie, parce que l'anthropologie, ça veut dire qu'il y a une observation, certes, mais participante. Et le record, c'est la rumeur d'Orléans ou son enquête sur Plozévet, qui se fait par immersion. Donc alors là, s'il est question d'émotion ou de passion, ce qui fait que c'est vraiment un pluridisciplinaire qui ne s'est même pas posé la question de savoir « Ah oui, je suis un peu sociologue, donc je vais ajouter une pincée de psychologie. » Et puis non, c'est qu'il est comme ça et que ça correspond à sa méthode. Et il y a des pages entières sur le CNRS. On peut se dire « Oui, le CNRS, l'émotion là-dedans. » Premièrement, quand même, comment est-ce qu'on entre au CNRS à l'époque? Par la résistance, par des affectivités, hein, ça il faut le savoir, surtout dans cette génération des années 50. Et puis deuxièmement, Ces grandes enquêtes, ben, elles sont nourries de passion et d'émotion. Edgar Morin, le mot a été prononcé, il y a le mot résistance qui apparaît là, et c'est vrai que la suite de l'émotion peut être la colère, le refus, peut être la résistance. Cette résistance, c'est aussi la ligne directrice de cet ouvrage que vous publiez chez Fayard, hein, « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». La résistance, c'est toujours se tenir debout. La résistance d'aujourd'hui n'est pas la même, évidemment, que celle qui s'était faite sous l'occupation et qui comportait des périls immédiates pour sa propre vie. Mais je pense que aujourd'hui, il y a deux barbaries qui nous menacent, qui s'amplifient même. L'une, très bien connue, et elle vient du fond de l'histoire. C'est celle de la domination, du pouvoir, de la conquête, du mépris, de la torture. C'est cette domination que nous voyons ici et là renaître. Et dès qu'il y a un conflit, comme ça s'est passé dans le Moyen-Orient, elle se déchaîne d'une façon atroce. Mais il y a aussi une barbarie moins visible qui est celle de notre civilisation, et qui est la barbarie glacée du calcul, parce que de plus en plus, la connaissance, aussi bien pour les classes dirigeantes, les pouvoirs, etc., la connaissance, ce sont des rapports quantitatifs. La connaissance, c'est le taux de croissance. La connaissance de ce qui se passe chez des individus, c'est le PIB. La connaissance, c'est les sondages d'opinion. Autrement dit, bien sûr qu'il faut s'aider du calcul, moi je pense que c'est un instrument auxiliaire indispensable, mais le calcul ne connaîtra jamais ni l'émotion, ni l'amour, ni la tendresse, ni la peur, ni la haine, tout ce qui fait notre nature humaine. Et donc, aujourd'hui, on se prétend dans l'époque de la communication, de l'information, etc., de la connaissance, société de la connaissance. Non, c'est la société des connaissances séparées, isolées les unes des autres, mais pas de la connaissance, parce que dès qu'il s'agit d'un problème important, global et complexe, on est aveugle, comme la mondialisation et comme tant d'autres. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut... Le vrai problème, c'est que le connaissant sache qu'il se projette lui-même dans sa connaissance. C'est ça qui est important, parce qu'il y a l'illusion d'objectivité. Parce qu'on a réussi à établir des conditions objectives et répétitives pour des expériences, on croit que c'est... Mais pas du tout, parce qu'on a projeté les catégories de notre esprit sur le phénomène, ce qui est l'évidence même, n'est-ce pas ? C'est pas seulement Kant qui l'a dit, mais c'est ce que les neurosciences aujourd'hui nous disent, n'est-ce pas ? Connaître, c'est traduire et reconstruire. Donc c'est un processus avec lequel nous risquons toujours l'erreur et l'illusion. Et du point de vue de l'histoire, voilà, la plus grande leçon que j'ai reçue, une des deux grandes leçons, vient de mon maître Georges Lefebvre, parce qu'il nous a fait un cours sur les historiens de la Révolution, après la Révolution, et il montrait qu'à chacun, Guizot, Thiers, voyait la Révolution en fonction de sa propre époque et de ses problèmes de son époque, et qui rétroagissait sur la Révolution. Et il montrait aussi que Hollard, l'historien de la Troisième République, projetait le parlementarisme de la Troisième République, et puis ensuite qu'il y a eu Mathiès, devenu socialiste puis communiste, qui justifiait Robespierre par Staline et Staline par Robespierre. Et puis moi j'ai pu prolonger en voyant Daniel Guérin, qui lui-même a projeté l'histoire libertaire en exaltant les enragés, et finalement l'historien post-stalinien qui était François Furet, et qui nous disait que peut-être c'était une embardée pas nécessaire pour l'histoire. Et ce n'est pas terminé. Ah, c'est pas terminé. Et ce n'est pas terminé. Nos collègues qui aujourd'hui travaillent sur la Révolution française, je peux vous dire qu'on peut les interpréter par leur époque. L'importance de l'histoire, effectivement, vous l'avez souligné, Edgar Morin, dans votre formation. Vous avez cité Georges Lefebvre, donc professeur à la Sorbonne, qui enseignait la Révolution française, un moment essentiel pour comprendre aujourd'hui. Georges Lefebvre, que nous écoutons. Quand un peuple est engagé dans une guerre qui met son indépendance en péril, Il lui faut un gouvernement qui rassemble en un solide faisceau toutes les forces de la nation et soit en état de briser les résistances ou la mauvaise volonté. Cela suppose que les droits de l'homme et du citoyen soient réduits ou suspendus. C'est ce que j'appelle la dictature. Il est évident que cette nécessité s'imposait à la Révolution française, révolution sociale qui eut à se défendre à la fois contre l'Europe aristocratique et contre les aristocrates de l'intérieur qui avaient fait appel à l'étranger et l'aider en s'insurgeant. C'est la guerre qui a condamné la Révolution à la dictature et elle a subsisté jusqu'à la chute de Napoléon. C'était Georges Lefebvre qui parlait à la radiodiffusion française le 6 septembre 1948. Edgar Morin, votre professeur. Oui, tout à fait. Et dans le fond, ce qui est extrêmement juste, c'est tout ce qui a fait dériver la Révolution au comité de salut public, puis après le Thermidor et le reste, c'est la guerre. Donc c'est extrêmement intéressant de montrer là aussi comment des événements provoquent des dérives historiques absolument extraordinaires et que nous ne sommes pas maîtres de ces processus dans lesquels nous sommes emportés. Et moi j'ai vu que, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le traumatisme de Vichy, de l'armistice, lui-même a provoqué chez les uns qui étaient des républicains, voire même des socialistes, une acceptation de la situation qui les a conduits, par pacifisme, à collaborer à la guerre nazie, et chez les autres, un sursaut, un refus qui a conduit à la résistance. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, toujours dans ma vie, ce sont ceux qui ont dérivé, qui ont, sans s'en rendre compte, trahi les raisons pour lesquelles ils s'étaient engagés, et pour faire le contraire, combien de communistes devenus communistes par générosité, par amour de l'humanité, se sont transformés en staliniens impitoyables. Et c'est une des expériences que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Les souvenirs viennent à ma rencontre. Edgar Morin, vous parlez de l'engagement. L'engagement qui peut parfois être sinistre, comme vous venez de le dire, quand certains vont dans des choix terrifiants, notamment au moment de la guerre. Mais l'engagement qui peut être sublime, tel que le présentait Marguerite Duras en 1993. Le bonheur de la désobéissance. Fabuleux. On venge toutes les enfances qui n'ont pas pu se révolter dans la classe de Madame l'institutrice. Il y a ça aussi. Ces actions politiques très dangereuses, elles ramènent à l'enfance parce que la mère dit toujours que c'est dangereux. C'était un vrai bonheur, quoi. Mais je ne connais pas de bonheur aussi fort, aussi merveilleux que celui de faire de la politique. Marguerite Duras qui parlait en 1993 dans les matinées de France Culture. Edgar Morin, vous avez bien connu Marguerite Duras, bien sûr. Bien souvent, nous réduisons par simplicité les gens à une image. Alors que Marguerite Duras, c'est plusieurs personnes à plusieurs moments de sa vie. Vous avez connu quelle Marguerite Duras, vous ? J'ai connu une jeune Marguerite Duras qui avait une beauté eurasienne, qui avait un visage séduisant et je dirais même fascinant, et qui était un être, pas seulement l'écrivain qui déjà faisait ses romans, mais qui régnait sur notre petite communauté de la rue Saint-Benoît, et qui faisait la cuisine, souvent de caractère vietnamien, qui avait gardé l'habitude de faire griller son café dans une poêle, et non pas d'aller chez le torréfacteur, qui nous mettait du nukmam sur nos plats, qui faisait des fêtes, organisait des dîners littéraires, des danses, des bals, nous chantions à table. On a vécu une année un peu plus totale communauté, fraternité, qui reste, pour mon avis, inoubliable. avec un engagement politique, avec un intérêt pour la vie politique. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, j'avais converti au communisme le groupe, c'est-à-dire Dionys, Marguerite et Robert Ozel. Mais très rapidement, nous avons été heurtés dès que, en Union soviétique, est venu le jdanovisme, c'est-à-dire la culture dirigée d'une façon, du reste, un peu grotesque contre la culture bourgeoise pour le réalisme socialiste. On s'est révolté contre ça, mais on a vécu dans le parti une dissidence culturelle après une période terrible, déchirante, où il fallait s'en séparer, c'est-à-dire c'était en même temps une famille. On allait en Grèce, on allait dans n'importe quel pays, on trouvait des communistes, des frères. Aussitôt la fraternité, c'était ça qu'il y avait de beau. Autant l'autorité qui venait d'en haut était rigide, sectaire, inhumaine, autant les relations entre les communistes du monde entier, dans qui se retrouvaient, étaient quelque chose de fraternel et tout de suite de confiant. Donc, si vous voulez perdre la famille, c'était perdre beaucoup de quelque chose, et il fallait perdre ça. Edgar Morin, votre exclusion du Parti communiste, c'est 1951, exclu d'un parti stalinien parce que vous critiquiez, ça pourrait être une chance en soi, mais en fait ça a été une souffrance. On l'entend bien dans votre voix, cette famille qui se sépare. Je me tourne vers vous, Pascal Horry. On n'imagine plus aujourd'hui ce qu'a pu être le communisme en tant que famille. C'est-à-dire que l'on critique, c'est vrai, le mouvement, le stalinisme, mais quand on regarde ce qu'il a pu être comme espoir pour beaucoup, on voit un autre aspect de ce qu'était le communisme. Ce qu'il a pu être comme église, parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui que parmi les sources, par exemple, du populisme, il y a le fait que les grandes structures d'encadrement dans un pays comme la France, qui était l'église catholique et le parti communiste, passer de l'un à l'autre était assez facile, vous savez, dans les deux sens, mais surtout de l'église catholique vers le communisme, se sont effondrées. Et on entend dans ce que dit Edgar ça, on entend aussi quelque chose qui le définit lui. C'est pas simplement un militant communiste du début de la guerre froide parmi d'autres. Cette capacité d'empathie, ce fait que c'est quelqu'un qui va quand même toujours vers l'autre, qui est parfois rabroué. Tous les grands intellectuels sont pas comme ça. La tradition intellectuelle, c'est aussi une tradition dogmatique et cléricale. Mais il est vraiment pas de ce côté-là. Et dès qu'il s'est retrouvé, heureusement, j'allais dire, il était soulagé, exclu du Parti communiste, il n'a eu de cesse que de recréer d'autres types de fraternités, la revue Argument, etc. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, on imagine bien que, puisque c'est un homme extraordinairement global, comme on dit désormais, il n'y a pas très longtemps, il rencontrait le pape, je le signale au passage, il a eu le temps d'en parler même dans le livre. Ouais, c'est peut-être le pape qui a rencontré Edgar Morin. Vous me poserez la question, mon pape, mais c'est quand même quelqu'un qui est à l'affût des signes positif, même parfois de faible intensité, comme on dit maintenant, parce qu'on peut aussi considérer qu'en ce moment les signes positifs sont de faible intensité, et il ne désespère pas sur la question d'Israël et de la Palestine, par exemple, etc. Changer d'objet d'étude. Vous avez, Edgar Morin, changé d'objet d'étude régulièrement. Vous avez changé sans cesse de point de vue, de moyen d'observation. Vous avez écrit, évidemment, vous avez agi, vous avez été vers le cinéma. Vous avez été vers le cinéma avec Jean Rouche. Nous étions en 1961. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normal. Bon, alors, ce que nous vous demandons avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. C'est ce brigand, là. Bon, alors, vas-y, Morin, attaque. Bon, j'attaque quand même, écoute. Tu ne sais pas la question qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu ? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu, ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie? Jean Rouch, Edgar Morin, 1961. Donc là, on est dans les coulisses du tournage. Quel était ce projet Edgar Morin avec ce film Chronique d'un été? En réalité, le projet s'appelait Comment vis-tu? J'étais avec Jean Rouch, on était au juré au festival du film sociologique et ethnographique à Florence, qu'on appelait Festival des Peuples. On a vu de très beaux documentaires. Et je dis à Jean Rouch, est-ce que tu veux pas qu'on fasse ensemble à Paris, non plus en Afrique, où il tournait toujours, mais en France, un film sur le thème « Comment vis-tu ?». Ce thème « Comment vis-tu ?», c'était mon propre problème à moi, parce que j'étais en proie à des contradictions, à des problèmes personnels, et j'aurais aimé que cette question soit posée à des contemporains. Alors, ce qui a été décidé, à ce moment-là, j'étais très intéressé par l'idée, autour d'une table qui ne soit pas dans un studio, mais dans un appartement, d'une table bien servie, avec des bons vins, etc., qu'on prenne un certain nombre de personnes et que dès que les conditions psychologiques sont favorables, qu'on commence à dialoguer et que je commence à poser des questions sur sa propre vie. Et nous avons, avec ce procédé, si j'ose dire, on mangeait, puis à un moment donné, je faisais un signe à l'opérateur, nous commencions, et on a eu des moments très émouvants, parce que le phénomène de la caméra est un phénomène étrange. D'abord, il inhibe. Les gens ont envie de raconter la vérité officielle, qu'ils veulent faire savoir aux autres. Et puis ça provoque, au bout d'un certain temps, au contraire, un besoin de s'exhiber, c'est-à-dire de sortir de ce qu'on a en soi, des problèmes les plus profonds. Et c'est ce qui s'est passé donc dans ces séances qui a encouragé le producteur à continuer. Nous avons beaucoup tourné. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un film à la fois historique et actuel. Il est historique, pourquoi? Parce qu'il est marqué par les années 60, pas seulement par les événements extérieurs qui sont la guerre d'Algérie, évidemment l'événement le plus important, mais la façon dont les gens sont habillés, fument, la façon dont ils se présentent, ils vivent, c'est très marqué. Mais en même temps, j'ai interrogé des personnes jeunes ou un peu moins jeunes, qui étaient plus ou moins paumés, en difficulté avec la vie, et qui à l'époque, c'était peut-être, ils n'étaient pas tellement nombreux. Mais aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse s'est trouvée dans ces mêmes conditions d'inquiétude, d'interrogation, etc. Et ce que moi, j'ai vu, notamment quand il y a eu des projections après la mort de Jean Rouch, de voir que vraiment, des jeunes se reconnaissaient dans les paroles des protagonistes. C'est un film à deux aspects, historique et à la fois actuel, par le sentiment comment vivre, comment être heureux, comment supporter les difficultés de la vie. C'est un problème qui aujourd'hui, évidemment, est de plus en plus pesant. Comment être heureux? Quelle question, Pascal Horry. Je ne trahirai pas un secret en disant que le rêve d'Edgar, mais difficile à réaliser visiblement pour des raisons de droit, ce serait qu'on puisse, dans des circonstances un peu exceptionnelles, avoir non pas la totalité des rushs, mais quand même une version longue, parce que Jean Rouch, et ça a été une bonne idée, a souhaité que ce soit commercialisé, que ça puisse être diffusé dans les salles. Déjà diffuser un documentaire à l'époque, aujourd'hui c'est plus facile, mais grosso modo 1h30. Et la vraie longueur, avec la vraie respiration, d'après Edgar, c'est 5h environ. Et on a quand même les éléments. Parce que c'est une expérience incroyable, et je suis d'accord avec Edgar, c'est un film qui paraît très moderne, ça se dit beaucoup, oh, c'est tellement moderne. Oui, mais franchement, moi je l'ai testé sur des proches qui ont 20 ans, ils sont très étonnés de la proximité, et à la fois du questionnement, et puis des réponses. C'est quand même, et c'est intéressant de signaler que c'est quand même un film d'Edgar Morin et de Rouch, et pas de Rouch et d'Edgar Morin. Je dis pas ça par patriotisme morinesque, hein, mais parce que Jean Rouch a une vraie carrière de cinéaste. Je suis sûr que dans les départements de cinéma, on leur dit, je vais vous montrer un film de Jean Rouch qui s'appelle Chronique d'un été, hein, j'exagère à peine. Non. Il y a vraiment une démarche très morinienne là-dedans, qui correspond à ce qu'on disait sur la part de l'émotion, etc. La démarche que vous avez dans vos travaux, Edgar Morin, et j'ai envie de dire que vous avez un peu tout essayé, toutes les manières, vous n'êtes pas resté dans un carcan. Il y a vraiment cette volonté de toucher à tout, d'essayer tout, nous avons évoqué le cinéma, mais dans les méthodes, vous voulez confronter les différentes disciplines et toutes les utiliser pour essayer d'arriver à vos fins. Comme tout est lié, le vrai problème, c'est que toute connaissance qui isole un objet est une connaissance plus ou moins mutilée. Bien entendu, on n'arrivera jamais à une connaissance totale. Pour moi, ce que j'appelle la connaissance complexe, ce n'est pas la connaissance complète, mais c'est une connaissance qui reconnaît l'incertitude en son sein, qui sait qu'elle n'est pas absolue, mais qui veut relier pour essayer de voir les différents aspects d'un même être, les différents visages d'une même réalité. Or, prenez le cas de ce que nous sommes humains. C'est une réalité qui n'est enseignée nulle part. Et pourtant, c'est un sujet fondamental. Et pourquoi ? Il est découpé en petits morceaux. Quelques petits morceaux se trouvent dans les sciences humaines, histoire, psychologie, sociologie, sciences des religions. D'autres morceaux se trouvent en biologie, le cerveau, le corps, tout ça. Et puis, il faut chercher dans l'histoire de l'évolution biologique et dans la préhistoire aussi des données fondamentales pour comprendre notre humanité. Et de fond même, finalement, je suis un anthropologue dans le sens ancien du terme, ça veut dire humanologue. Le fond même, c'est que l'humain est trinitaire. L'humain est indissociablement individu, société, c'est-à-dire membre d'une société propre, et espèce. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer les trois notions. Et non seulement on ne peut pas les séparer, mais non seulement nous, individus, nous sommes dans la société, mais la société est en nous, avec ses lois, ses mœurs, son langage. Non seulement nous sommes dans une espèce, elle est en nous avec son patrimoine génétique qui est dans chacune de nos cellules et qui va nous obliger, plutôt nous pousser à reproduire. Donc, si vous voulez, c'est cette réalité qui fait de nous des êtres du monde vivant, des êtres du monde physique et des êtres d'un monde métaphysique et métabiologique qui est le monde humain, mais tout ça à la fois et non pas séparé. Et le maître mot de mon idée, c'est le mot reliance. Le mot reliance dans les connaissances, le mot reliance en politique, c'est-à-dire nous relier, fraterniser. Le mot reliance, c'est une sorte de mot, non pas qui explique tout, mais qui pousse, au contraire, à relier tout. Pousse à relier tout. Edgar Morin, vous écrivez, je suis autant historien, voire philosophe sauvage, vous mettez entre parenthèses, peu de sauvagerie, que sociologue, tout en intégrant toujours la dimension sociologique dans mes recherches. Mais Pascal Horry, dites-moi, qu'a apporté Edgar Morin à la science historique? Écoutez, plusieurs livres ont marqué le jeune historien que j'étais à ce moment-là, parce que c'était déjà des propos d'État, par exemple Autocritique. Ça a été quand même un livre qui a généré d'ailleurs presque un genre littéraire, c'est-à-dire les autobiographies d'anciens communistes. Mais en même temps, c'était une réflexion sur la croyance et sur la sortie de la croyance. Donc ça nourrit un historien au passage. Les stars, ou l'esprit du temps. Alors pour quelqu'un qui essaye de faire de l'histoire culturelle, c'est vrai que prendre au sérieux, vous imaginez dans les années 50, même aujourd'hui, si vous prononcez le mot bande dessinée ou je sais pas quoi, prendre au sérieux des productions faiblement légitimées. Le cinéma n'était pas vraiment très, très pris au sérieux à l'époque où Edgar publie les stars. C'était une autorisation à aller plus loin. Plozévet, c'était un extraordinaire exercice, puisque c'est une participation de l'équipe de Morin à une enquête pluridisciplinaire. Ça consistait à dire, bah oui, on peut faire du pluridisciplinaire. Et en plus, Morin, il était pluridisciplinaire dans l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, c'est en Bretagne, tout le monde se réunit dans cette petite ville de Bretagne, on essaye de la comprendre. Oui, oui, et c'est pas une idée de Edgar Morin au départ. Il est appelé à participer, et en fait, d'une certaine façon, il en retire l'essentiel parce que il est en capacité, justement, anthropologique. Il y a qu'à voir la manière dont il se comporte avec son équipe à Plozévet, c'est-à-dire que vraiment, c'est de l'observation participante. On rencontre les gens, on boit, on mange, etc. Et on comprend. Edgar Morin, quand vous entendez Pascal Horry faire le tableau de ce que vos travaux ont apporté aux sciences historiques. Et puis aujourd'hui, il y a quand même l'unanimité pour dire qu'il y a eu, grâce à Edgar Morin, une avancée de la réflexion. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur tout cela ? Qu'on me connaisse mieux, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'on ait reconnu le noyau même de mon apport. Quel est le noyau de mon apport ? Il se trouve dans 6 livres qui s'appellent « La méthode » et dans un petit livre qui s'appelle « L'introduction à la pensée complexe ». Mon apport, c'est une façon de changer la façon de regarder le monde, soi-même, la société, etc. Mon apport, c'est cette façon qui permet d'affronter les contradictions, les paradoxes, de relier les choses séparées. Donc, moi, je pense que ma façon de penser ne s'est pas du tout instituée, par exemple, dans l'enseignement, l'école publique, l'université. Je reste marginalisé. Bon, j'ai des reconnaissances, j'ai des docteurs honoris causa dans le monde, mais jamais je n'ai été orthodoxe. Je me suis fait ma culture moi-même, par autonomie. Je n'ai jamais cédé ni aux hystéries collectives, ni aux modes intellectuels. J'ai poursuivi de façon autonome ma voie, mon chemin. Maintenant, pour revenir à l'histoire, je pense que mon livre que vous traitez dans cette émission a des qualités historiques. Pourquoi ? Pas seulement parce que je récapitule les événements que j'ai vécus, c'est-à-dire la période d'avant-guerre, la guerre, etc. Bon, pour mémoire, évidemment. Mais c'est parce que, pour moi, des événements qui sont passés presque inaperçus ont eu une importance historique capitale. Moi, dans mon livre, il y a des petites choses comme ça, qui me semblent petites, que j'essaye de mettre en relief. Qui sont essentielles également, car les historiens recherchent le témoignage. Le témoignage est intéressant. Vous dites bien que ce ne sont pas des mémoires que vous avez écrites. Ce sont des souvenirs qui viennent les uns après les autres. Alors, nous allons écouter quelqu'un que vous avez bien connu, Roland Barthes, qui lui aussi a écrit, Barthes selon lui-même, Barthes par Roland Barthes, et qui parle à Jacques Chancel dans Radioscopie, c'était en 1975. Je sais l'importance que vous accordez aux idées, à l'idée, mais oui. Écrire sur soi, est-ce une idée prétentieuse ? Bien, vous savez, c'est une question qui m'a tout de même embarrassé. Il ne faut pas croire que j'ai fait ce livre d'une façon, si je puis dire, naïvement joyeuse, n'est-ce pas ? Au début, j'ai été terrorisé par le risque, ce que j'appelle le risque d'infatuation. La course entre le « je », entre le « il » et entre le « moi », c'est le véritable parcours du combattant. Je, il, moi. Oui, ce sont des pronoms que j'ai employés, oui, dont j'ai fait une sorte de tresse. En ce titre, nous. Nous, mais nous serait vraiment très infatué, oui. N'est-ce pas ? C'est très royal, nous. Oui, j'ai joué de ces pronoms, je m'en suis expliqué d'ailleurs, pas un petit peu, parce que le il me permettait de mettre une certaine distance avec ce que je disais, et justement de me traiter un peu comme un personnage de roman, précisément. Edgar Morin. Roland Barthes se traitait comme un personnage de roman, il mettait « il » pour créer une forme de distance. Est-ce que vous, dans les souvenirs viennent à ma rencontre, vous avez eu toute cette réflexion ? Non, vous n'avez pas voulu mettre de distance, au contraire même. Écoutez, dans ce que dit Roland Barthes, je reconnais toute sa subtilité introspective, toutes les qualités de son esprit. Mais là encore, c'était pas pour raconter sa vie, c'était pour parler de lui-même. Donc c'est quelque chose d'un peu différent. Moi, j'ai été poussé. Vous savez, le vrai point de départ de ce livre, c'est que je voulais faire un livre consacré à ce que j'appelais mes héros et mes amis. Alors je voulais d'abord écrire et les souvenirs sur ces personnes-là qui sont commencés à venir m'ont submergé et je me suis dit, mais il faut que j'intègre ces gens-là dans des souvenirs beaucoup plus amples. Et dans le fond, j'étais emporté par une sorte de marée, de vague qui m'a entraîné à tout cela. Bien entendu, ce sont des souvenirs incomplets. Il y a des choses qui dorment encore dans ma mémoire, qui ne se sont pas réveillées. Il y a quelques souvenirs que j'ai voulu taire par discrétion. Bon, mais je pense que tout ça est venu spontanément. Mais vraiment, c'est quelque chose qui a fait, me fait revivre, pas seulement ma vie, mes rencontres. Et dans le fond, qu'est-ce que je suis ? Je suis le résultat de toutes les rencontres. Si je n'avais pas eu telle rencontre, que ce soit Dostoïevski, Montaigne, que ce soit mon ami Delbois, étudiant, qui m'a fait connaître Marx, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont influencé, je ne serais pas moi-même. Bien entendu, j'ai retravaillé, c'est comme l'abeille qui transforme le pollen en miel, mais vraiment, sans ces pollens, sans toutes ces fleurs où j'ai butiné, je ne serais rien. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Pascal Horry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Edgar Morin. Les souvenirs viennent à ma rencontre chez Fayard. Une sublime conversation. Vous avez un regard qui pétille, mais qui donne la pêche. Merci énormément. Eh ben merci à vous. Merci à vous. Merci Pascal. Merci Edgar. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Camille André, Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont et Anaïs Quien. Les émissions peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et vous pouvez venir discuter de ces émissions sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Demain, en gondole, en vaporetto ou tout simplement à pied, nous parcourons Venise avec Elisabeth Crouzet-Pavant. À demain.